Titit Rizel. Aïe maman. Titit plongé non coin. Aïe maman. La dégagé li. Aïe maman. La mère vinoué li. Aïe maman. La mère vexée. Aïe maman. La mère tombée brûlée. Aïe maman. La mère vin gris. Aïe maman. Le père bandé. Aïe maman. Kikiye. Aïe maman. Kikiye. Aïe maman. Non. William, moi si petit la gade ou moi tant qu'on mon qui table ou dit Jean tapli. Et bien c'est ton camarade qui m'a yak madame dit. Même si c'était un bel job. Mais depuis je m'a yak madame dit. Tout bagay nan kay la, c'est tout en paix. Tout en paix. Paix cabane. Paix sommier. Paix frigidaire. Paix radio. Paix bonne. Mais paix gérant. Mais, un jour monsieur levé, il n'est pas dit dans le travail. J'ai dans la rali. Dans le lendemain, je suis levé là le travail. L'on dit, ah, si je quitte Nex à dans le travail là, la gâte tout le reste employé. M'a prévoqué monsieur quand même. L'on relève monsieur, il m'a monsieur net, il a révoqué. Le monsieur arrivé là, il dit, chérie, pourquoi on a révoqué Marie ou? Comment dit, oui. Avec évoqué ça c'est rance. C'est sorti dans la porte ça ou après entrer dans l'autre porte là. Mais ça que fait femme dans dit monsieur ça. C'est parce que femme dans connaît monsieur qu'on $800 de réserve dans caille là. Et ça que fait dit ça. Mais si tu connais monsieur pas que 5 centimes. Monsieur était tout tourné en bouteille. Température t'a changé. Oh oh, boule boule boule. Yo prend $800 y'a mangé $800 mangé oui. Et puis il finit. Pas qu'un 5 centimes dans la encore. Madame Jody Dio. Quel est le papier gage au bout de manger matin? Je ne comprends rien. Jody Macho, malhonnête. Vous connaissez notre petit job, il a révoqué. T'as gagné $800 dans la caille. Nous finissons manger $800. Alors comme toute bagaille dans la caille, c'est tout en paix. N'a pas venu après n'avoir acheté l'autre. Il a dit m'a dit ou van, m'a dit ou pas van. Mais m'a prêt à manger. Il y aura les pères à bonne. Les vannes, l'argent passé. Il y aura les pères matelas. Les vannes, l'argent passé. Il y aura les pères à Dioa. Les vannes, l'argent passé. À la fin, tout le bagage dans la fin de passer. Par exemple, quoi? Allez qu'il est, maîtresse Kaila apparaît pour lui demander l'argent Kaila. Jody Way, de comme ça, oui. Je perds du job, moi. Je connais, pour t'avoir demandé l'argent Kaila. Ma boîte Kaila. Kaila Brapin, chargé à Pinez, la donne. Chargé à Ravette. Ma boîte Kaila. Ça, je fais, t'es un petit coup nous en face. Je vais louer tigou nous là. Pour madame, c'est pour Jésus Tinat. Madame a plein. Oh bon Dieu. Gardez-moi même Esther pour aujourd'hui à moi, ma couche son Tinat paille. On m'a dit le bon bêtis, mais devant moi. Mais si maman paraît, ça la dit. Mais elle va changer si tu es un peu cabane.

pas besoin comprendre. Regardez nous. Moi même son cabrette m'a bête dans dos même.